Bonsoir, chers auditrices et auditeurs de Canabé. Vous ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz. Ça, c'est pour le direct avec un peu de retard ce soir. Je vous rappelle que l'émission est également podcastable. Alors là, il n'y a jamais de retard quand vous écoutez à partir du site asile35.blogspot.fr. À peu près 150 numéros de l'Asile le plus sûr, Asile, azile35.blogspot.fr, qui sont conservés dans le formol et aussi à partir du mixcloud.com/redman. Donc possibilité d'écouter en streaming, en podcast, avec les playlists, les liens et puis pas mal de commentaires. On va démarrer avec un label qu'on vous a proposé l'été dernier. Il s'agit de Hubro Records, le label norvégien à la chouette hulotte de Andreas Melland, qui a fait partie de notre palmarès de l'été des labels à qui nous avons consacré 6 spéciales à suivre. Et donc Hubro, c'était la fin du mois de juillet, donc émission réécoutable sur le blog susmentionné. Et je vous avais parlé de la sortie d'un excellent groupe, le combo Moon Relay, qui vient tout juste de produire son nouvel opus, le deuxième en date, sous le titre Full Stop, etc. Moon Relay, qui est un combo quadricéphale de guitare, basse, batterie, originaire d'Oslo, qui arrive à produire une musique tout à la fois no wave, assez abstraite, et aussi très organique et sauvage, bref, du kraut motorique tribal en quelque sorte. Tout ça baigné dans un maelstrom d'électricité entre improvisation et structures entêtantes. Ça a été enregistré au Malabar Studio, le bien nommé, et mixé par Lasse Marog. Cet album Full Stop, etc. de Moon Relay. Je propose d'écouter le titre 7. We'll be right back. Thank you. petite musique pour se vriller le cerveau et pour bien démarrer la semaine dans les îles le plus sûr. À l'instant, un vieux titre, je pense que vous n'étiez même pas né quand c'était enregistré ce morceau de Reinaldo and the Loaf. C'était un titre de 1978, à l'époque où les Britanniques se faisaient appeler Plimsolline, avec un projet donc juste avant qu'ils le prennent ce patronyme, les fameux David Johnson alias Ted the Loaf et Brian Poole alias Reinaldo Malpractice. Voilà donc des titres qui dataient, qui étaient même antérieurs au premier album de Reinaldo et au fameux disque qui ont fait leur célébrité au début des années 80, notamment le fameux Songs for Swinging Larvae, un groupe qui était très très proche des Californiens, les Residents, qui eux avaient démarré 4-5 ans plus tôt, mais une musique qui faisait furieusement penser à celle qu'ils pouvaient pratiquer aussi à la même époque, notamment celle de Fingerprints, proximité par-delà de l'Atlantique, on pourrait dire, entre le duo britannique et les Américains. Donc des pièces qui sont sorties pour la première fois, je crois, en 2014, notamment à l'occasion d'une réédition qu'avait sorti le label de Vienne Klang Gallery de ses pièces Behind Closed Curtains, en compagnie complémentée d'ailleurs d'autres pièces des cassettes du début des années 80 sous le titre Tape Dancing in Slosh et Rot Codisme. Voilà, donc c'est un peu le Holy Grail pour les amateurs de Reinaldo and the Loaf, ces pièces Behind Closed Curtains, qui est un disque qui vient tout juste de revoir le jour en 33 tours, figurez-vous, grâce au bon soin d'un label du Wisconsin qui répond au nom de Secret Records. Donc une musique qui n'a pas pris une ride, toujours aussi déglingos, avec pas mal de petits instruments jouets et des voix filtrées dans tous les sens. Travail de collage assez fantabulesque pour les fameux Reinaldo and the Loaf. Et juste avant, on entendait un jeune groupe, il doit avoir à peu près 25 ans de moyenne, plutôt les Moon Relay avec ce disque Full Stop, etc. Leur deuxième opus en date, produit par le fameux Andreas Melland et son label Ubro Records. Ils avaient sorti leur premier EP qui nous avait beaucoup tapé dans l'oreille et qui nous tape toujours dans le cerveau. Il y a de ça 3-4 ans sur cette même étiquette norvégienne, ce combo d'Oslo avec des pièces, là je vous ai passé peut-être pas une pièce des plus pêchues, il y a des titres un peu plus évidents, mais dans l'ensemble l'album est vraiment très très bon. Le précédent l'était tout autant. C'est certainement un groupe à voir sur scène. Alors peut-être un jour en France, qui sait, on pourra voir les Moon Relay. On va continuer avec une artiste carrément de l'autre côté de la planète. Il s'agit de Arsig Nargile ou Arsig Nargile, je ne sais pas trop comment on dit. Une jeune femme qui est née à Tbilissi et qui réside dans la région Borkali du sud de la Géorgie, de son vrai nom Nargile Metieva. C'est une joueuse de saz, le luth au très long manche, de tradition géorgienne autour des bardes qu'on appelait les Azéris, qui sévissaient du côté de la Géorgie et aussi de l'Azerbaïdjan. On pourrait dire que c'est une digne descendante d'Alim Kassimov, mais en version féminine. Vraiment, elle est virtuose. Elle enseigne, elle pratique sa musique. Et grâce au consortium Sayat Nova, ces derniers mois, elle a eu la joie de tourner en Europe, notamment pour des concerts aux côtés du folk expérimental Richard Dawson. Et elle a joué notamment au fameux Café Otto de Londres. Et donc, c'est tout naturellement ce même Café Otto qui produit son premier vinyle sur son étiquette Otto Roku. Le disque s'intitule Yuri. Non pas Gagarine, mais Yuri Yeri. Voilà, le temps de retrouver mes petites notes, histoire de ne pas me tromper dans la prononciation de tout ça. Donc on va écouter la musique de cette jeune femme dans quelques minutes, le temps de recaler le titre, qui n'est pas du tout calé. Alors ça, c'est tellement ballot, donc on va du coup peut-être se rabattre sur

Vous êtes bien dans l'asile en direct de Bagdad avec une séquence où vous avez pu entendre tout d'abord la douce Asik Nargile et ce titre, ce disque Yurt Yeri, publié par Otoroku en vinyle. Très très beau disque qui me fait furieusement penser qu'elle est une digne descendante d'Alim Kassimov qui lui aurait transmis ses pouvoirs, ceux de jouer du saz de manière aussi virtuose et de nous amener dans ces histoires auxquelles on ne comprend rien mais qu'on est ravis d'entendre et qui nous transporte très très loin. Donc la musique de Asik Nargile, et on a enchaîné avec le Syrien Rizad Saïd qui est quelqu'un qui pratique donc une sorte d'électro shahabi totalement fumeux et assez incroyable et qui a accompagné quantité de chanteurs à partir des années 90-2000 du côté de la Syrie, notamment on le connaît comme collaborateur de Omar Suleiman. Et il a produit ce disque, ce premier disque en solo l'an dernier. C'est un disque qui était sorti à l'époque sur étiquette Aniya Records, le fameux label des gens de Malayin, les Libanais syriens, retour de Praed, de Rabbi Beyani, etc., etc. Et donc Aniya, excellent label, qui est un peu une base arrière pour le label britannique qui réédite ce disque en vinyle, ce King of Keyboard, Discrépante. Discrépante qui produit quantité de musique du monde assez fumeuse, notamment la musique des Colombiens dans les musiques bizarroïdes, et aussi donc la musique des Libanais et autres Turcs en exil. Et donc Rizan Saïd et ce King of Keyboard, ce disque qui va sortir d'ici la fin du mois de septembre en galette vinylique. Je pense que vous pourrez vous le procurer chez les camarades de Blind Spot rue Poulain du Parc. Voilà, on va continuer avec un orchestre plutôt psychédélique. Ils sont originaires de Manchester, sont donc des mancuniens comme on dit. C'est un projet qui existe depuis une demi-douzaine d'années, qui réunit trois guitaristes, deux bassistes, un batteur sous le nom de Desmadrados Soldatos de Bentura, qui doit vouloir dire quelque chose comme les soldats sauvages de l'aventure ou quelque chose du même tonneau. Ils avaient déjà produit 4-5 disques sur l'étiquette qui existe dans la perfide Albion, Golden Lab Records, qui se consacre principalement à des choses très très psychédéliques, également du musique un peu free, puisqu'ils ont réédité ou édité plus exactement des opus aussi de Linda Sharrock récemment. Et Desmadrados Soldatos de Ventura sont donc abonnés à cette étiquette Golden Lab Records qui va sortir d'ici quelques jours un coffret quadruple vinyle sous le titre The Grand Celestial Purge, qui est un disque donc de session enregistré dans une église à Leeds et qui a été enregistré et produite par le producteur d'Esmespensry, monsieur Richard Formry. Alors c'est une musique peut-être un peu moins furieuse que celle qui pratiquait sur les albums précédents, une musique un peu plus langoureuse. Je propose d'écouter un titre assez long de ce quadruple LP The Grand Celestial Purge par Desmadrados Soldatos de Bentura, donc un titre qui fait pas moins de 21 minutes qu'on écoutera de manière tronquée. Thank you. Une bonne tranche de néo-psychédélisme sur antenne du 94 MHz dans l'asile le plus sûr avec cette plongée dans le schmurz et ce combo mancunien. À croire que l'hacienda n'est toujours pas fermée avec la musique de ce Desmadrados Soldados de Ventura qui est un combo qui existe depuis 2012 qui a sorti 3-4 albums longs à ce jour, principalement des jams psychédéliques qui étaient un petit peu moins langoureuses que celle-ci, plutôt assez furieuses, menées par les guitares assez acides de ses différents membres, notamment Nick Mitchell qui fait d'ailleurs partie également de Chalak ou Chalaké et qui joue dans pas mal d'autres choses, qui est lui-même aussi donc mancunien et qui sort des disques également sur Golden Lab Records. Il y a un nouvel album de Chalak d'ailleurs en préparation. Chalak qui est la formation qui est en trio cette fois-ci, petite formule aux côtés de Pascal Nichols de Part Wild Horses Main on Both Sides. Voilà donc un peu pour la présentation et la photo de famille de toute cette tribu anglaise du néo-psychédélisme à tout craint et ce coffret donc de Desmadrados Soldados des Ventura qui sort chez Golden Lab Records, coffret quadruple vinyle avec très belle pochette et galette 180 grammes s'il vous plaît. Donc ça s'appelle The Grand Celestial Purge et on en écoutera peut-être d'autres bouts d'ici quelques semaines dans l'asile le plus sûr. Je propose d'enchaîner avec tout autre chose et une séquence on va dire plutôt d'ambiante musique mais d'ambiante un peu expérimentale qui va démarrer avec un combo qu'on vous a déjà proposé à plusieurs reprises, qui existe depuis une dizaine d'années. Il s'agit de Eisenhower, ou encore Aetenor, avec un H au milieu, qui est le projet qui réunit Stephen O'Malley de Sun, Kanat et autres KTL, aux côtés de Daniel O'Sullivan, qui lui fait partie de quantité de projets, notamment Guapo, Ulver et puis plus récemment également Grumbling Fur ou This Is Not This It. C'est un quartet hein, ce Eisenhower et monsieur Vincent De Roguin de Chora qui en faisait partie l'a quitté et à la place deux autres membres ont rejoint les rangs de Eisenhower en les personnes de Christopher Rigg de Ulver et du batteur émérite autant dans le jazz free que dans le post-rock à l'époque où il sévissait aux côtés de Néné Chéri dans Rip Reagan Panic, le britannique Steve Noble qui fait partie notamment de New qui est un projet qu'on vous passe aussi de temps en temps aux côtés de musiciens jazz anglais notamment Alex Ward et John Edwards donc au sein de Eisenhower pratique une musique qui est difficilement qualifiable pour appeler ça une musique aux confins du métal, de l'ambiante, du progressif et de l'électronique, rien que ça. Ils viennent de faire paraître leur tout nouvel opus, le cinquième en date sous le titre de Hazel. Ils sont abonnés au label américain VHF. On les avait beaucoup écoutés notamment à l'époque de leur début et des tout premiers disques qui étaient vraiment brillantissimes sous le titre Deep in Ocean Sunk the Lamp of Light et Bedtime's Black Cloud Masses. Celui-ci donc s'intitule Hazel. Je vais vous proposer de démarrer avec le titre qui débute cet album de Eisenhower, le morceau Silk to Breath. No. asiento del negro, rumba, rumba, rumba, la. El ejército del negro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Rumbala, pero nada puede bombas rumba, rumba, rumbala. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataque muy raivoso, rumba, rumba, rumbala. Contraataque muy raivoso, rumba, rumba, rumbala. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba, rumba, rumba, la. Pero igual que combatimos, rumba, rumba, rumba, la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Rumba, rumba. Et voilà ce que j'appelle une séquence ambiante finement menée par trois projets différents. Tout d'abord, Isenor et ce disque Hazel qui vient tout juste de sortir chez VHF. C'est sorti à la fin du mois d'août. Il s'agit de pièces enregistrées apparemment à l'occasion d'une tournée en Italie en 2010 et qu'ils ont monté les différents membres de ce groupe, notamment Daniel Sullivan de Grumbling Fur, qui doit sortir aussi un nouvel album, je crois, aux éditions Thrill Jockey d'ici quelques semaines. Et donc, des gens qui sont très très actifs les uns dans différents projets qu'ils ont chacun séparément, notamment bien évidemment Stephen O'Malley qui lui aussi produit quantité de choses, notamment côté de Steve Noble. Je crois qu'ils ont un duo aussi quand vous avez passé. C'est dans l'asile le plus sûr sous le nom de Saint Francis Duo et qui vient aussi de sortir un nouvel opus sur Dropadisc, Las Bordes de las Respuestas, qu'on ne vous proposera pas cette semaine. En tout cas, donc Isenor, toujours une musique assez pertinente. Il y a des titres d'ailleurs électroacoustiques avec voix assez hypnotique en français. Un disque chaudement recommandable par l'asile le plus sûr. Puis on a enchaîné avec le troisième, je crois que c'est le troisième opus en date de ce projet Accident du Travail, le bien nommé, donc Accident du Travail, qui est le projet qui réunit deux musiciens hexagonaux de traverse, notamment Julie Normal, Pierre-Jean et Olivier Demeaux forment ce duo Accident du Travail. Donc c'est le projet de ce membre de Cheveux qu'on retrouve aussi dans Hey Matt. Et donc une musique plutôt dronesque jouée sur onde Marteneau, orgue d'église et puis aussi une sorte d'orgue Honor qui faisait le côté pump organe très très réussi des titres qu'on entendait Mariage et Queen's Funeral, tout de ce disque Accident du Travail qui s'intitule Très Précieux Sang et qui est publié par The Trilogy Tapes. Et on a terminé avec une chanson de l'époque de la guerre d'Espagne, chant révolutionnaire qui était joué et plutôt déjoué d'ailleurs par ce projet Tomorrow the Rain Will Fall Upwards. Et sur ce disque Wreck His Days, publié par le label Blackest Ever Black, le label électronique qui est une production assez étonnante, plutôt post-industrielle, le label qui est d'ailleurs basé à Berlin depuis quelques années. Alors difficile de savoir qui se cache derrière ce patronyme assez bizarre, Tomorrow the Rain Will Fall Upwards, en tout cas plutôt un projet de collage qui fait mal penser à une sorte de This Mortal Coil dans le côté un peu expérimentation sonore, mélangeant pas mal d'autres choses. Très très bon disque aux éditions Blackest Ever Black. Je propose d'enchaîner avec un nouvel opus du guitariste Fred Friis aux côtés du bassiste Jason Hoops et du batteur Jordan Glenn. Ça s'intitule Another Day in Fucking Paradise, ce qui est un très très bon titre, je trouve, pour cette période de la rentrée 2016. Donc le Fred Friis Trio, on va écouter deux titres à suivre de ce disque publié aux éditions suisses Intact. We'll be right back. De jazz un peu plus courte qu'à l'accoutumée, qui a démarré avec le Fred Frith Trio et ce disque Another Day in a Fucking Paradise, publié par Intact. Et là on avait enchaîné avec le duo, ou plus exactement trio d'ailleurs, des frères Spolin, Defibrillator, et leur disque aux côtés de Peter Brotzmann, Conversations About Not Eating Meat. Les frères Spolin qui sont trombonistes et électroniques, Sébastien et Arthur, de leur vrai prénom, aux côtés d'un batteur, donc musicien suisse qui travaille entre l'Allemagne, la France et le pays helvète, qui pratique une sorte de free jazz, musique nouvelle entre noise, hardcore, certains psychédélisme free. Il y a des titres qui envoient sacrément sur cet album publié par l'étiquette Helvet Border of Silence, publié à la fois en CD et en vinyle. C'est distribué d'ailleurs par Metamkin. Petite annonce concert avant de se quitter, avec une soirée musique alambique cette semaine, je crois que c'est le 15 septembre, ça doit être jeudi, au Terminus rue de Riaval derrière la gare. Concert de Tristan Philippon Chopin et de Sébasto Colm, qui est un trio, un jeune trio auvergnat-rennais, je pense, dans lequel on retrouve Benoît Lobby de la Terre Tremble, aux côtés de Guillaume Canette au clavier et aussi Bidouille. Et le troisième larron, c'est Aymeric Thomas de Priapisme et Stagnant Waters, donc sorte de post-rock post-industriel. Quant à Tristan Philippon-Chopin, c'est un guitariste tentaculaire de Rennes, nous dit-on sur la com de cet événement. Donc plus d'informations sur le site musicalambic.wordpress.com. On se quitte le temps de vous rappeler que cette même émission est entièrement réécoutable avec des bonus et des titres nettement moins écourtés cette fois à partir du site asile35.blogspot.fr. Et on va se quitter avec un dernier album, et il s'agira des Italiens qui pratiquent une sorte de post-rock, musique nouvelle aussi sous le nom de Sparkle in Grey, qui viennent de sortir un nouvel opus qui s'appelle Brahim Isdag. C'est sorti en CD avec un très très beau packaging publié par le label Old Bicycle Records. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine. It's war amongst the rebels. Madness. Madness. War. Consumers, they as producers of gold. And we as indigenous people, we're yelling, stop that, you're killing our mother. Who's gonna hear us? Stop that, you're killing the earth. You're killing the mother of all life, for God's sakes. Can't you wake up and listen to what we're saying to you? And yet you go 10 miles that way, 10 miles that way, 10 miles that way, and 10 miles that way, you're gonna find the same condition. Yes. Êtes-vous français? Non, je suis anglais. Êtes-vous étudiant? Non, je suis professeur. Thank you.